semblé happy bird, not to talk about bird. Une société secrète se réunit sur la question des ovnis. Combien ils sont dans l'univers? Où c'est qu'on peut les voir? Est-ce qu'on devient leurs amis? Ou est-ce qu'on en fait des ethnies? Des questions de liberté. Qu'est-ce qu'on va faire avec les extraterrestres quand ils vont être sur le globe terrestre? Doit-on leur donner du travail à loyer? Doit-on les exploiter? Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec les petits bonhommes verts? Sur ce quoi vont discuter les membres de ces